إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 4 dans l'explication de la aqida des deux imams, Raziyan, les deux imams Razi, Abu Hatim et Abu Zur'a. Ils ont mentionné leur aqida et elle a été préservée, alhamdulillah, pour nous jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pas seulement la aqida des deux imams qui a été préservée, c'est-à-dire que beaucoup d'entre les imams de la sunna ont mis par écrit un résumé de la aqida d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a pour clarifier leur propre position vis-à-vis des groupes de bid'ah et des innovations, et en même temps pour que les musulmans puissent connaître en même temps qu'est-ce que c'est la aqida d'Ahl al-Sunnah, qu'est-ce que c'est la aqida des salafs. Et donc ils ont mis par écrit ces détails et ces explications de la aqida pour que on puisse justement être bien guidé par la permission d'Allah. Le premier point qui a été mentionné dans la aqida des deux Razi et que le Cheikh Rabi a commencé à expliquer, c'est la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a par rapport à la foi, par rapport à la définition de Al-Iman et qu'est-ce que signifie Al-Iman. Et lorsque les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a expliquent Al-Iman, eh bien ils commencent en général à expliquer la définition de Ahl Sunnah wal Jama'a de Al-Iman. Et on a expliqué, et on a mentionné ici un résumé, ok, c'est-à-dire que la définition de la foi, l'Iman, selon Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est que c'est une croyance du cœur. Donc en arabe on dit i'tiqadun bil janan, on dit en arabe, il y a des ulama qui ont énoncé ça de cette façon qui rime, pour que ce soit plus facile à mémoriser, i'tiqadun bil janan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Donc après ça il dit yazidu bil ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Ça dit une croyance du cœur, une parole avec la langue, une action avec le corps. Elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés. Ça c'est la définition de Ahl Sunnah wal Jama'a de Al-Iman. Le Cheikh il a expliqué également, comme on l'a expliqué dans les cours précédents, la aqida des murji'a, ceux qu'on appelle les murji'a. Et c'est des gens qui ont dévié dans la foi. Ils ont dévié dans leur définition de la foi. Et la raison pour laquelle ils ont dévié dans leur définition de la foi, c'est parce qu'ils ont essayé de définir la foi en se basant uniquement sur la logique et la raison et la philosophie et les définitions linguistiques. Ils n'ont pas pris comme référence les preuves de la révélation pour savoir qu'est-ce que c'est la foi. Et c'est pour ça qu'ils se sont égarés et c'est pour ça qu'ils ont dévié dans la définition de Al-Iman. Puisque lorsqu'on retourne au texte du Coran et de la Sunna, comme le Cheikh l'a mentionné dans son explication, il a cité les versets de Surat Al-Anfal, le verset 1 à 4. Et je ne sais pas si vous avez avec vous une copie de la traduction des sens du Coran. Si vous en avez une, Al-Anfal, c'est le surat 8, Naam, j'aimerais que l'un d'entre vous me lise le verset en français, la traduction du sens. Ouais, la sourate 8, le verset 1 à 4. Pendant ce temps-là, moi je vais en profiter pour, pendant que vous allez chercher, moi je vais profiter pour ajouter un petit détail ici. Ah, tu l'as trouvé? Ok, donc juste un instant, laisse-moi juste rajouter un petit point ici, parce que je veux que ce soit clair. Taïb, donc c'est ça, je voulais rajouter juste pour que ce soit expliqué, parce que c'est mentionné dans le char du Cheikh, et c'est important de comprendre la différence pour vraiment éviter certaines ambiguïtés. Ok, donc on a dit le verset de 1 à 4 dans Sourate Al-Anfal. Est-ce que tu peux le lire et arrête-toi après chaque verset si c'est possible. Ok, ça c'est, en fait c'est de 2 à 4. Le Cheikh l'a mentionné de 1 à 4, mais il a écrit de 1 à 4, mais dans les versets qu'il a cités, il a seulement cité de 2 à 4. Donc c'est peut-être les gens qui ont fait la mise en page qui ont écrit de 1 à 4, mais c'est de 2 à 4. Donc les versets de 2 à 4. Lis le verset suivant. Ok. Donc ici on voit dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent. Donc ça fait partie des actions du cœur. Hein? Le fait que le cœur frémit lorsqu'on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie des actions du cœur. Ça fait partie des choses qui font partie de qu'est-ce qui explique que la foi elle a un lien avec le cœur direct. Hein? Et lorsqu'ils entendent les versets, lorsque les versets leur sont récités, cela augmente leur foi. Ça, c'est la preuve que, Yanni, comme on a dit au point numéro 4, la foi, elle augmente avec les bonnes œuvres. On a une preuve claire ici, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Zadathum imanan ». C'est-à-dire, ça fait augmenter leur foi. « Wa ala rabbihim yatawakkaloun » et c'est en leur Seigneur qu'ils mettent leur confiance. Ça aussi, ça fait partie des actes du cœur. Donc ça prouve que la foi, c'est la croyance du cœur et les actions du cœur aussi. Et après, le verset ensuite, le verset 3. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans le sentier d'Allah, de ce que nous leur avons attribué. Donc, ici, dans le verset 3, on voit que il inclut également parmi les choses qui font que quelqu'un est un vrai croyant, les actes du corps, puisque la salat, ça fait partie des actions du corps, hein, et de dépenser de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a attribué, nous a donné comme subsistance, comme bien. Et donc, ça prouve que ça aussi, ça fait partie de la foi. Et que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas devenir un vrai mu'min, un vrai croyant. Donc ça rajoute encore les actions du corps, hein. Puis, la récitation, comme on a dit, la récitation du Coran, et le fait de faire le dhikr et de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, ça fait partie de la parole avec la langue. Donc on voit que dans ce verset, les éléments de la foi sont réunis. La croyance du cœur, la parole avec la langue, les actions avec le corps, et que la foi elle augmente et qu'elle diminue. Et on parle ici dans ce verset en particulier de l'augmentation de la foi avec les bonnes œuvres. Et la diminution, elle est mentionnée dans d'autres versets puis dans d'autres hadiths. Donc, lis le quatrième verset. Ceux-là sont en toute vérité les croyants, à eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation générale. Naam. Donc, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là sont les croyants en toute vérité. Donc, ça, c'est la preuve, tu vois, que celui qui doit être un croyant et qui veut compléter sa foi et parfaire sa foi, doit posséder ses caractéristiques. tu vois, il doit posséder ces caractéristiques là et c'est ça ce qui montre qu'en fait le vrai croyant c'est celui qui a réuni la définition de la foi en entier et non pas seulement une partie. Ok, et là le cheikh par la suite, comme on a lu au dernier cours, il a expliqué chaque partie du verset, une partie à la fois, et il a montré les preuves hein, par rapport à l'augmentation de la foi aussi. Par rapport à ça, il dit فَالْقَوْلُ فَإِذَنْ الْإِيمَانِ إِذَنْ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَاعْتِقَادٌ يَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعَاصِي. Donc ça c'est une autre façon dont les savants l'expriment parfois. Ils disent la foi c'est une parole, une action et une croyance. Elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés. Donc c'est une façon de le dire plus rapide. Un قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَاعْتِقَادٌ. Une parole, une action et une croyance. يَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعَاصِي. Donc on a mentionné ce verset-là qui mentionne que la foi augmente. Il y a un autre verset, le verset 4 dans Surat al-Fath, on l'a cité au dernier cours. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِهِمْ لِيَزْدَادُ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. Ce verset-là, il ne peut pas être plus clair, Yanni. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait descendre la tranquillité sur le cœur des croyants pour qu'il augmente, hein, pour qu'il ajoute de la foi à leur foi. Hein? Donc ça c'est très très clair. Et ensuite on a mentionné le hadith qui est y a rapporté au sujet du fait que celui qui y a des péchés, que sa foi a diminué, eh bien il a un niveau différent de, il a une foi qui est incomplète ou qui est pas parfaite ou qui est moins que celui qui a accompli les bonnes œuvres et qui a fait des bonnes œuvres. Et il a prouvé ça avec le hadith de l'intercession. Le hadith de l'intercession qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il y en a plusieurs hadiths qui parlent de l'intercession au jour de la résurrection. L'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les pécheurs. Et ça c'est la preuve que la foi elle diminue. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens qui avaient par exemple dans leur cœur le poids d'un dinar de foi vont sortir de l'enfer. Le poids d'un dinar. Un dinar c'est une pièce d'or. Donc ceux qui avaient la quantité ou le poids d'une pièce d'or de foi vont sortir de la foi. Et ensuite, il dit, ou la moitié d'un dinar. C'est-à-dire, il y en a qui auront un poids de foi qui est la moitié d'un dinar. Donc, c'est encore plus petit. Et ensuite, il dit, ou le poids d'une graine de céréales, de blé, ou de, sha'ira. C'est un des grains. Ça peut être, de l'orge, hein, ou une graine de, après, il dit, ou mithqal dharra. Ou bien une graine, yani de blé. Et après il dit ou adna min mithqal dharra. Et encore plus petit encore que moins que yani dharra. Ça veut dire yani la foi elle diminue jusqu'à ce que yani il n'y ait plus rien. Mais ici dans le hadith il dit même celui qui a le poids d'une poussière hein, ou d'une graine de blé, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire sortir de l'enfer. Ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont été parmi les gens du Tawhid et qui sont morts avec des péchés, avec des kaba'ir, avec des crimes qu'ils ont commis, qui sont des crimes qui ne les font pas sortir complètement de la foi. Donc ça c'est le dernier d'entre les hommes qui va sortir de l'enfer, eh bien c'est celui qui avait une graine, un atome de foi, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va le faire sortir de l'enfer pour, par rapport à, même s'il avait juste un peu de foi. Et il dit, donc la foi elle peut augmenter jusqu'à ce qu'elle devienne comme les montagnes, et elle diminue jusqu'à ce qu'elle devienne plus petit que une graine de blé ou bien même comme une poussière, il y en a comme une moutarde, une graine de moutarde ou bien quelque chose de plus petit. Donc c'est pour dire que la foi, elle peut augmenter, elle peut diminuer. Et ça, c'est des preuves claires. Hein? C'est des preuves claires dans les hadiths du professeur sallam. Et qu'est-ce qui fait diminuer la foi? Qu'est-ce qui fait rabaisser la foi ou rabaisser la foi? Eh bien, c'est les péchés. Et ces péchés-là sont des causes qui font que quelqu'un rentre en enfer. Mais comme le cheikh il a dit, yani, Allah les fait sortir de l'enfer par le tawhid. Parce qu'ils ont quand même unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans leur croyance et dans leur pratique. Ils n'ont pas commis de shirk, hein, malgré qu'ils ont commis d'autres péchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va punir les gens qui ont fait ceux que Allah subhanahu wa ta'ala veut, parmi les gens qui ont commis l'adultère, il va les châtier dans l'enfer. Ceux qui ont volé, ceux qui ont fait du banditisme, ou ceux qui ont fait du désordre sur la terre, ceux qui ont fait de l'injustice, ceux qui ont mangé de l'intérêt, des prêts avec intérêt ou des choses comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala peut, s'il veut, les châtier dans l'enfer. Et il peut aussi, s'il veut, leur faire miséricorde. Comme on dit, selon la aqidah d'Ahle Sunnah wal Jama'ah, on dit que celui qui meurt sur un péché sans se repentir de ce péché-là, il est sous la volonté d'Allah. Et si Allah veut, il va le pardonner par sa miséricorde et le faire entrer dans son paradis. Sinon, il peut, s'il veut, également le châtier, le faire brûler dans l'enfer pour un certain temps. Selon le poids de sa foi ou la force de sa foi, il va rester dans l'enfer. Plus il a de foi, yani Allah subhanahu wa ta'ala le fait sortir avant, jusqu'à ce qu'il fasse sortir ceux qui ont le moins de foi, hein, jusqu'au dernier d'entre les croyants qui aura peut-être une graine de moutarde de foi. Et on ne déclare pas mécréant quelqu'un à cause d'un péché qu'il a fait. Et on ne déclare pas celui parmi les pécheurs qui a été en enfer, on le condamne pas à l'éternité dans l'enfer. On va pas dire qu'il sera éternellement en enfer. Contrairement aux Khawarij, ceux qui disent que les pécheurs vont être éternellement en enfer, ce sont les Khawarij. Hein? Et donc, quand tu vois un hadith, par exemple, qui dit celui qui fait tel péché, il ira en enfer. Ou celui qui fait telle chose, il va être en enfer. Ça ne veut pas nécessairement dire que celui qui fait ce péché-là, il va être mécréant et qu'il va être éternellement en enfer. Hein? Ça veut seulement dire que cette personne est sous la menace de l'enfer pour avoir commis ce péché-là. Toutefois, c'est possible qu'il soit épargné de cette punition-là par la miséricorde d'Allah, par son pardon, par le fait qu'il a subi des épreuves par lesquelles Allah lui a effacé des péchés. C'est possible également que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne parce que il a fait des bonnes œuvres par la suite qui ont effacé ces péchés-là. Donc, si quelqu'un fait un péché qui fait partie des hadiths, qui fait partie des choses qui ont été mentionnées dans les hadiths qui menacent cette personne, qui le fait d'avoir l'enfer comme punition, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va être éternellement en enfer. Il ne faut donc pas faire de calculs rapides. Et il y a des gens justement qui ne comprennent pas cette question-là. Ils prennent tous les hadiths qui parlent de la menace de l'enfer automatiquement comme si c'était déjà établi. Et comme si ça y est, tu as fait ça, tu vas en enfer pour l'éternité. Et ça, c'est la compréhension des Khawarij. Hein? C'est pour ça qu'ils font le takfir des musulmans souvent à cause de ça. Quelqu'un qui fait l'adultère, par exemple, on va le lapider. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on le lapide, qu'il va être mécréant ou qu'il va être éternellement en enfer. Non. Hein? La même chose pour celui qui vole. La punition pour le vol, c'est de couper la main. Mais ça, les ulama ont expliqué que c'est une expiation pour lui. Celui qui reçoit cette punition dans la dunya, ça lui efface son péché, comme ça il ne va pas être châtié pour ce péché-là dans l'au-delà. Mais ça ne veut pas dire qu'il va être mécréant pour l'avoir commis. Hein? Parce que ça fait partie des péchés, et donc, qu'est-ce qui fait sortir de l'islam? Ce n'est pas les péchés, c'est le kufr ou le shirk majeur. D'accord? Donc, ça c'est des points que le cheikh a mentionnés. Je ne veux pas revenir sur tous les points en détail, mais c'est juste expliquer certaines bases pour que ce soit compris. Ensuite, on avait mentionné aussi la question des murji'a et les déviations qu'ils ont par rapport à la foi. Les murji'a, ce n'est pas un seul groupe uniforme. Parmi les murji'a, il y a des degrés. Il y a des degrés d'égarement. Il y a les plus extrémistes qui sont les Jahmiyyah. Hein? Et les Jahmiyyah, c'est une secte qui est apparue dans les époques après les Sahaba, hein, vers la fin de la période des Sahaba. Ils ont commencé à propager des fausses croyances. Parmi leurs fausses croyances, c'est la négation des noms et des attributs d'Allah. Et ils ont aussi parmi leurs fausses croyances une grave erreur dans la foi. Leur notion de la foi, leur façon de concevoir la foi est complètement déviée, complètement égarée. Puisque pour eux, la foi c'est seulement d'avoir le savoir, de savoir que Dieu existe, de savoir que l'islam c'est la vérité. Même si tu pratiques rien des obligations, même si tu fais tous les péchés qu'Allah a interdit, du moment que tu sais qu'Allah existe, que l'islam c'est vrai, ça y est, t'es croyant. Et donc pour ça, eux, ils disent, Iblis, c'est le diable, c'est un croyant aussi. Hein, parce que il sait que Dieu existe. Parce qu'il sait que Dieu existe, donc il est croyant. Et ça, c'est de l'égarement. Puisque la définition de la foi, c'est pas seulement de savoir. Hein? Même Pharaon, ils disent qu'il était croyant. Et plein d'autres exemples comme ça. À cause du fait qu'ils n'ont pas compris la foi selon la révélation, mais ils ont compris la foi selon leur logique à eux. Ils ont essayé de définir la foi selon leur propre raison, comme des philosophes. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés avec une notion aussi loin de la réalité par rapport à la foi. Donc ça c'est les Jahmiyyah. Et eux de toute façon, les ulama les considèrent comme étant des hérétiques qui sont en dehors de l'islam, les Jahmiyyah. Il n'y a pas une secte aujourd'hui qui s'appelle les Jahmiyyah, ils n'existent plus. Mais certaines de leurs croyances ont été héritées par d'autres sectes qui sont venues par la suite, qui sont peut-être moins égarées que elles, mais à cause du fait qu'ils ont ramené certaines de leurs croyances, il reste quand même très dangereux. Parmi ces exemples-là, il y a l'exemple de la notion de la foi selon les Ash'ariyah ou Ash'aira. Ils disent que la foi, c'est juste de croire avec le cœur. At-tasdiq bil-qalb. Donc, du moment que tu crois avec le cœur, tu es croyant. Même si tu fais aucune action, même si tu dis aucune parole. Et ça, c'est de l'égarement aussi. Hein. C'est de l'égarement. Et ça ressemble beaucoup à la croyance des Jahmiyyah. Hein. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui ont cette notion-là de la foi. Et si tu regardes, par exemple, certains soufis ou penseurs islamiques, comme on dit, ils ont cette idée-là aussi. Okay. Donc, ils ont dévié dans le fait qu'ils n'acceptent pas que la foi soit dans la parole et dans les actions aussi. Puis, ils ne reconnaissent pas que la foi augmente et diminue. Hein, pour eux, la foi est stable. Pour eux, comme eux aussi, les murji'atul fuqaha, la même chose. C'est la croyance du corps et une parole seulement. Donc, pour eux, tout le monde est égal dans la foi. La foi n'augmente pas et ne diminue pas. Donc, les prophètes, les anges, ils ont le même degré de foi que le pire des criminels et le pire des pécheurs. Hein? Donc, ça, c'est leur notion de la foi. Et il y a un autre groupe d'égarements qui ont dévié aussi dans la foi, c'est les Karramiyyah. Puis eux, ils disent que la foi, c'est juste une parole que yani, ils ont exclu même les actions du cœur et la croyance du cœur et les actions du corps. Donc ils ont dévié dans ça. Et c'est pour ça qu'eux ils disent que les hypocrites sont des croyants. Ils disent que les hypocrites sont des croyants. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a clairement mentionné dans le Coran que les hypocrites ne sont pas des croyants. Mais bon, c'est une autre erreur qui existe dans les questions de la foi. Donc ça c'est qu'est-ce qui a rapport avec les Murji'a. Maintenant, par rapport aux Khawarij, quand on regarde leur définition de la foi, on remarque qu'elle ressemble beaucoup à celle de Ahl Sunnah wal Jama'a. Dans le sens que ils affirment trois points parmi les points que Ahl Sunnah wal Jama'a affirme. La croyance du cœur, la croyance du cœur. Donc ça c'est pareil. La parole de la langue, la parole avec la langue, ils l'affirment aussi. Les actions avec le corps, les actions avec le corps. Donc ça c'est la même chose. Là où ils dévient, c'est là où lorsqu'ils disent qu'elles n'augmentent pas et elles ne diminuent pas. En fait, ils rejoignent en même temps la croyance des Murji'a. Pourquoi? Parce que ils sont à deux opposés, à deux extrêmes. Les Khawarij et les Murji'a sont à deux extrêmes. Et Ahl Sunnah wal Jama'a sont au juste milieu. Dans le sens que les Murji'a, eux, ils ont dit, du moment que quelqu'un est croyant, sa foi est stable, et tout le monde est pareil dans le même niveau de la foi. Et une fois que tu es dans la foi, il n'y a rien qui peut faire diminuer ta foi. Il n'y a rien qui peut te faire sortir de la foi. Donc ça, c'est un extrême. Les Khawarij, eux, c'est le contraire. Les Khawarij, eux, ils ont compris que si quelqu'un est dans la foi, soit il l'a tout au complet, ou soit il ne l'a pas du tout. C'est-à-dire que si tu commets un péché, tu la perds au complet. Les Murji'a, eux, ils ont dit le contraire. Ils ont dit, si tu as la foi, tu ne peux plus la perdre. Elle reste toujours stable et complète. Tandis que les Khawarij, ils ont dit non. La foi, c'est un tout. C'est une croyance, c'est une parole avec la langue et une action avec le corps. S'il manque quelque chose, tu perds tout. Et c'est ça le danger hein, de cette voie. Et c'est pour cette raison-là qu'en fait, il y a une relation très proche entre les Khawarij et les Murji'a. Et certains des salafs même ont dit que les Murji'a, ce sont les Murji'a, ce sont les Khawarij en fait. Les Murji'a, ce sont les Khawarij. Parce que yani, quand tu vois les Khawarij, comment ils agissent, eh bien, en fait, ils tolèrent toutes sortes de choses qui sont contraires à la foi lorsque c'est fait par eux. Hein? Mais lorsque c'est fait par quelqu'un d'autre, ils font son takfir. C'est pour ça que des fois tu constates que ces gens-là, ils ont les mêmes caractéristiques. Les Khawarij ont beaucoup de caractéristiques des Murji'a. Ils considèrent même les salafs que ce sont eux, yani les Murji'a. Et pourtant, les Khawarij sont toujours en train d'accuser Ahl Sunnah wal Jama'a d'être des Murji'a. Tu vas souvent entendre des takfiriens qui accusent les gens de la Sunna d'être des Murji'a. Et ils disent à propos de Sheikh Al-Albani, ils disent Sheikh Al-Albani c'est un Murji, Sheikh Bin Baz c'est un Murji. Hein? Ils l'accusent comme ça. Ils accusent beaucoup de savants. Sheikh Mohammed Bin Salih Al-Uthaymin, ils disent ah c'est un Murji. Hein? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent essayer de faire croire que yani, nous on est dans la bid'a des gens qui considèrent que les actions ne font pas partie de la foi. Et la raison pourquoi ils disent ça, c'est parce que nous on ne fait pas le takfir des pécheurs. Hein? Et des dirigeants musulmans qui commettent des péchés ou qui ont des égarements ou qui ne jugent pas par la loi d'Allah. Donc du moment qu'on ne fait pas leur takfir comme eux, de façon yani, générale, donc eux ils vont considérer qu'on est des Murji'a. Hein, Murji'a. Et c'est ça leur, leur slogan. Et c'est comme ça que tu vas voir que, en fait, pour les Murji'a, les gens de la Sunna sont des Khawarij. Parce que nous, on va faire le takfir des gens qui font le shirk akbar, qui font le shirk majeur, qui font le kufr majeur. Donc, pour les Murji'a, nous, on est des Khawarij. Et pour les Khawarij, on est des Murji'a. Parce que on, nous, on est en, entre les deux extrêmes. Tandis que eux, hein, et, tu comprends? C'est ça. Et l'imam, justement, les imams, les deux razis, ils l'expliquent ça à la fin de leur aqida. Ils disent, si tu vois, par exemple, quelqu'un qui accuse les gens de la sunna d'être un khariji, ça veut dire qu'il est un murji. Et si tu vois quelqu'un qui accuse les gens de la sunna d'être un murji, yani, ça veut dire que c'est un khariji. C'est des exemples que les salafs ont mentionnés. Yani. Parce que eux, ils accusent toujours les gens de la sunna d'être comme, yani, d'avoir les problèmes, yani, que eux ont en réalité. Mais on va expliquer ça lorsqu'on arrivera à cet endroit-là dans le livre, Inch'Allah. Ok, donc là le cheikh, qu'est-ce qu'il a fait juste avant qu'on s'arrête au dernier cours? Il expliquait qu'est-ce qui va se passer au jour de la résurrection par rapport à l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a mentionné le hadith qui explique que les hommes au jour de la résurrection, ils attendent le jugement. Ils attendent le jugement et c'est très très long. Et parmi les hommes, il y en a qui, étant donné que le soleil est rapproché de leur tête, il y en a qui transpirent et il y en a que leur sueur arrive à leurs genoux, d'autres leur sueur arrive à leur taille, d'autres leur sueur arrive à leurs épaules et d'autres même sont jusqu'à leur bouche et leur nez, même dans leur sueur. Et bien entendu, excepté ceux qui sont les sept catégories de personnes qui sont sous l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura pas d'ombre, excepté son ombre. Et parmi ces sept catégories, il y a le dirigeant qui est juste, le jeune homme qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, deux hommes qui s'aimaient et qui s'aimaient en Allah. Ils se réunissaient en Allah et ils se séparaient en Allah, c'est-à-dire dans ce qui amène l'agrément d'Allah. Un homme qui était appelé ou invité par une femme qui était belle et qui est riche, ou qui a un statut, et qui l'invite à faire un péché avec elle, et lui, il refuse en disant « Je crains Allah ». Un homme qui donne en sadaqa et qui cache sa sadaqa à un tel point que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Et un homme qui s'est souvenu d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il était seul et que ses yeux ont laissé couler des larmes à cause du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est cette catégorie de personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est cette catégorie là ils vont être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura pas d'ombre excepté son ombre. Donc ça veut dire que tous les autres vont être sous la chaleur ardente la fatigue l'attente du jugement. Donc ils vont aller voir les différents prophètes un après l'autre pour demander à ces prophètes et à ces messagers d'Allah d'intercéder pour eux, pour que Allah fasse arriver le jugement dernier, pour que le jugement commence. Ok, parce que là les gens sont là debout, ils attendent seulement, il n'y a rien qui se passe. Donc pour que le jugement commence, ils demandent en premier, demandent à Adam. Adam dit non, moi je ne peux pas. Demander à Nuh, ils vont à Nuh. Nuh, il dit non, moi je peux pas. Demander à Ibrahim, il demande à Ibrahim. Ibrahim, il dit non, moi je peux pas. Demander à Isa, il dit non, moi je peux pas. Demander à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils vont demander au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il dit ana laha, oui, c'est moi qui étais désigné pour cette intercession-là. Alors, il vient devant le trône, il se prosterne et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala par des invocations que Allah subhanahu wa ta'ala va lui enseigner à ce moment-là. Et après un long moment, Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire de se lever et d'invoquer et d'intercéder. Et c'est là que, par l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, le jugement va commencer. Et c'est pour ça que yani, on appelle cet événement-là, ou cette situation-là, on appelle al-maqam al-mahmoud, c'est-à-dire le statut de gloire. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, tous les hommes, toute la création va être reconnaissant envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le fait qu'il intercède pour l'humanité. Et donc, il va être glorifié, yani, par tout le monde par rapport à ça. Donc, on appelle ça al-maqam al-mahmoud. Et ça, c'est une position que seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aura. Et c'est au jour de la résurrection. Donc, il a mentionné tout ça. Puis, il dit ensuite, « وَالشَّهِدُ أَنَّ الْإِيمَانِ يَنْقُسُ وَيَنْقُسُ وَيَنْقُسُ وهؤلاء ناقص الإيمان هؤلاء ناقص الإيمان فتارك الصلاة يعاقب عقوبة شديدة ويكثره كثير من العلماء. Il dit, qu'est-ce qu'on veut tirer de tout ce qu'on a mentionné? C'est que la foi, elle peut diminuer et diminuer et diminuer, et que ceux qui ont la foi diminuée, donc on dit d'eux qu'ils ont une foi qui est incomplète, ou qui est diminuée ou rabaissée. Comme par exemple la personne qui abandonne la salat, eh bien il a dans l'islam une punition qui est très sévère. Il y a beaucoup de savants qui ont déterminé que celui qui abandonne la salat, sa punition c'est qu'il est exécuté dans la charia. Yani, selon la charia, celui qui abandonne la salat, il est exécuté. Et il y a même plusieurs savants qui le déclarent mécréant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de savants de l'islam qui déclarent que celui qui abandonne la salat, il est mécréant. Quand on dit qu'il est exécuté, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui voit un musulman qui prie pas, c'est-à-dire, ok, bon, je m'en vais l'exécuter. Non. Quand on parle peu importe dans quel hadith, dans quel verset dans le Coran, où on parle d'une peine de mort, ou d'exécution, ou de punition dans la charia, c'est uniquement dans le contexte où il y a un état islamique, où il y a un dirigeant, et que la personne est jugée dans un tribunal islamique avec des juges, et que le dirigeant donne la peine et le jugement et le décret que cette personne-là doit être exécutée. Après lui avoir rappelé les preuves, après l'avoir appelé à se repentir, hein, et là, à ce moment-là, si par la suite il refuse toujours, eh bien là, il sera dans ce cas-là exécuté. Mais c'est pas n'importe qui a le droit d'appliquer cette peine. C'est seulement les responsables de l'État islamique, les dirigeants et les juges, parce que les juges représentent le dirigeant. Mais pas n'importe qui, comme les groupes de Khawarij et les groupes de Takfir, eux, ils se donnent une autorité à eux-mêmes qu'ils n'ont pas réellement, et ils se permettent d'appliquer certaines peines islamiques sur des individus. Et ça, c'est contraire à l'islam. Puisque si chaque personne fait un groupe islamique, puis il se déclare lui-même dirigeant, puis qu'il décide sur qui il veut appliquer les peines islamiques, mais ça veut dire qu'on va avoir une dizaine de groupes, chaque groupe a son chef, chaque chef décide que lui, il applique la peine sur celui qu'il veut. Lui, il décide qu'un tel est mécréant, ou un tel est ci, un tel est ça, il applique la peine comme ça. Donc ça devient le chaos, ça devient le désordre. Et dans l'islam, c'est pas comme ça. L'islam n'accepte pas le désordre. L'islam interdit. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Wallahu la yuhibbul fasad ». Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le désordre. Hein? Donc c'est ça, c'est dans yani la charia. Yani c'est souvent les en tout cas, souvent les chrétiens ils disent par exemple ah, l'islam c'est une religion dure parce qu'il y a des peines comme ça, il y a des punitions comme ça. Et si tu regardes dans l'Ancien Testament, tu retrouves plusieurs peines, il y en a qui sont mentionnées dans l'Ancien Testament, qui sont claires, et qui sont parfois plus sévères même que des peines islamiques. Hein? Mais eux, ils n'ont pas gardé les règles que Allah leur a révélées. Ils les ont oubliées et délaissées complètement. Hein? Ils n'ont pas jugé selon le livre. Et également, les chrétiens, ils disent qu'ils n'ont pas ces lois-là parce qu'ils prétendent s'être libérés de la loi de Dieu. Puis que maintenant, ils disent, nous, on est sous la grâce, on n'a pas besoin d'appliquer les peines. Et pourtant, hein, tu vois qu'à travers leur histoire, ils ont appliqué plein de peines comme ça. Et encore aujourd'hui, dans certains pays, si quelqu'un est chrétien, dans une famille chrétienne, et qu'il décide de devenir musulman, ils le tuent. Hein, ils tuent leur propre enfant même. Quand ils deviennent musulmans. Et ils prétendent que eux, ils n'ont pas de peine, puis qu'eux, ils sont miséricordieux, puis qu'ils aiment leurs ennemis, puis qu'ils tournent l'autre joue lorsqu'on les frappe, alors que la réalité, c'est tout à fait différent. Combien de gens, par exemple, en Égypte et ailleurs, au Liban et en Syrie, s'ils étaient des chrétiens qui se sont convertis, ou dans d'autres pays comme ça, eh bien, ils deviennent musulmans, et puis ils sont menacés par leur famille. Il y a des gens que j'ai rencontrés, il y a un monsieur que j'ai rencontré qui venait de l'Inde. Subhanallah, sa famille a essayé de... Quand il s'est converti à l'islam, sa famille a voulu l'assassiner. Ils ont voulu le tuer. Il a dû s'enfuir de l'Inde pour pouvoir préserver sa vie. Donc c'est des exemples comme ça qui montrent que c'est pas pour rien que ces peines-là dans l'islam existent. Puis ceux qui prétendent que ils n'en ont pas de règles pareilles, eh bien, souvent tu remarques que ce n'est pas vrai, puisqu'ils ont des règles semblables eux aussi. Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh, il dit qu'il y a une peine très sévère pour celui qui ne fait pas la salat, même que certains savants le déclarent mécréant. Il y a des savants qui déclarent celui qui ne fait pas la salat mécréant, et il y en a d'autres qui ne déclarent pas mécréant. C'est-à-dire qu'ils vont dire, tant que la personne reconnaît l'obligation de la salat, que c'est obligatoire de la faire, s'il la fait pas par paresse, il n'est pas mécréant, parce qu'il reconnaît que c'est obligatoire. Tandis que d'autres savants disent non, même s'il reconnaît que c'est obligatoire, s'il l'abandonne par paresse, il est mécréant, parce que le prophète sallam a dit, celui qui abandonne la salat, il a mécru. Hein? Donc eux, ils utilisent ce hadith comme preuve. Et les autres ont dit, oui, mais ce hadith-là, c'est vrai, mais on ne parle pas d'une mécréance majeure, on parle d'une mécréance mineure. C'est-à-dire qu'il est, le péché, c'est un péché qui est désigné par le terme kufr, mais ça ne veut pas dire nécessairement que la personne a quitté l'islam. Et donc, c'est une divergence entre les savants depuis l'époque des salafs. Ce n'est pas une divergence nouvelle. Et les savants qui disent qu'il est mécréant, ils ne traitent pas les autres. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Les savants qui disent qu'il est mécréant, ils ne disent pas des autres qui sont des murji'ah, de ceux qui ne disent pas qu'ils sont mécréants. Ceux qui disent, celui qui abandonne la salat par paresse, il est mécréant, ils ne vont pas dire des autres qui disent que ce n'est pas le cas, ils ne vont pas dire que c'est des murji'ah. Puis ceux qui disent qu'ils sont croyants, ils ne vont pas dire de ceux qui les déclarent mécréants que ce sont des khawarij. C'est-à-dire qu'ils respectent l'opinion de l'un de l'autre. Puis ils ne vont pas faire le takfir de l'un ou de l'autre. Ou ils ne vont pas déclarer l'un ou l'autre égaré ou innovateur à cause de ça. Contrairement à certains extrémistes qui sont apparus à notre époque, qu'on appelle les haddadiyya. Et puis eux, ils déclarent au début celui qui abandonne la salat qu'il n'est pas kafir, s'il l'abandonne par paresse, il le déclare murji. Puis par la suite, ils s'arrangent pour le faire déclaré mécréant par la suite. Bon, ça c'est un petit détail en passant pour clarifier ça. Il parle ensuite, il dit والذي لا يؤدي الزكاة يبطح في عرصات القيامة بقاع قرقر تمر عليه الإبل إذا كان صاحب إبل تطأه أخفافها وتعضه بأنيابها وإذا كان بقرا تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها وإذا كان غنما تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il explique ici le cheikh? Il dit que celui qui ne paye pas la zakat, au jour de la résurrection, il va être piétiné sur un terrain vaste par les troupeaux de chameaux qu'il avait. Si par exemple, il avait des chameaux, eh bien il va être piétiné par les sabots des chameaux. Hein? Et il va être mordu par leurs dents. Et s'il avait des vaches, eh bien c'est la même chose, il va être piétiné par les troupeaux de vaches et il va être encorné par leurs cornes. Et la même chose s'il avait des chèvres, hein, des moutons, eh bien les boucs, ils vont les encorner avec leurs cornes et ils vont être piétinés par leurs sabots, parce qu'ils n'ont pas payé la zakat, et c'est dans un jour qui dure 50 000 ans. Pendant un jour qui dure 50 000 ans. Donc ça, c'est ceux qui avaient du bétail et qui ne payaient pas la zakat. Ça, c'est le châtiment qui les attend. Il dit, « وَيَقُولُ هَذَا أَهْلُ السُنَّةِ المعتدلون الواعون لكتاب الله والمؤمنون به حق الإيمان والمؤمنون بسنة رسول الله والعملون بها يقولون هذا إن أهل المعاصي تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم ومن يعذبهم يدخل النار في عرصات يوم القيامة يعذبون. Donc il dit, les gens de la sunna, qui sont les gens de la modération, et qui croient, et qui comprennent le livre d'Allah, et qui croient en cela avec une foi véridique et sincère, et qui croient également en la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui l'appliquent. Ils disent cela, c'est-à-dire ils disent que les gens qui ont commis des péchés, ils sont sous la volonté d'Allah au jour de la résurrection. Si Allah veut, il va les châtier. Et si Allah veut, il va leur pardonner. Et celui qu'il châtie, hein, et qu'il fait entrer, c'est-à-dire celui qu'il châtie, il va le faire entrer en enfer et à l'endroit où Allah va réunir les hommes au jour de la résurrection, eh bien, ils seront châtiés aussi à cet endroit-là, à l'endroit où les hommes sont sur la place où ils sont jugés. Il y aura des châtiments pour eux, comme par exemple ceux qui ont abandonné la zakat. Il dit « وَيَقُولُ اللَّهُ فِي الْمُرَابِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ وَفِي الْحَدِيثِ لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَى وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ وَقَالَ تَعَالَى فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَحَكَمَ عَلَيْهِمْ بِالْكُفْرِ ولكن هذا الكفر للمستحلين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Donc le cheikh il explique que également celui qui mange le riba, qui mange l'intérêt, l'intérêt sur les prêts ou l'intérêt yani, à la banque ou les différentes sortes d'intérêts, il dit à propos de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 275 dans Surat al-Baqarah, ceux qui mangent le riba, qui prennent le riba, ils ne se tiendront que comme se tient celui qui a été touché par le shaitan. Donc c'est ça. Et dans le hadith, il mentionne un hadith qui est rapporté par l'imam muslim selon Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le messager d'Allah a maudit, il dit, Jabir, il dit, le messager d'Allah a maudit celui qui mange le riba, c'est-à-dire celui qui profite du riba, celui qui le paye, celui qui paye le riba, et celui qui l'écrit, le contrat, et les deux témoins. Celui qui fait le contrat et les deux témoins. Et il a dit, Hum Sawa, ils sont tous égaux là-dedans. Donc ils sont maudits. Hein? Et Al-La'na, c'est Al-Ibti'ad min Rahmatillah. La malédiction, ça signifie être écarté de la miséricorde d'Allah. Donc c'est un grand péché. Même que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 279 dans Surat al-Baqarah à propos de celui qui mange le riba, il les menace, il dit, et s'il ne cesse pas, alors qu'il se prépare à une guerre de la part d'Allah et de son messager. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala et son messager déclarent la guerre à celui qui mange le riba. Et donc, et il dit, il a décrété qu'ils sont dans le kufr, qu'ils sont dans la mécréance. Mais il dit, mais cette mécréance, c'est pour ceux d'entre eux qui le rendent halal. C'est dans ceux d'entre eux qui le rendent halal. Comme par exemple dans le verset 93, dans Surat al-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui ont tué un croyant intentionnellement. Et il dit que leur rétribution sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Et Allah est en colère contre eux et il les a maudits et il a préparé pour eux un châtiment énorme. Et ça c'est pour celui d'entre eux qui le rend halal. C'est-à-dire qui rend le meurtre halal, il sera éternellement en enfer. Sinon, c'est connu que celui qui tue, il ne sort pas de l'islam, donc il ne sera pas en dehors de, il va pas rester, il n'est pas en dehors de l'islam, donc il ne sera pas éternellement en enfer pour avoir commis un meurtre. Et il y a plusieurs preuves de ça dans le Coran et dans la Sunna. Juste pour en mentionner quelques-unes, pour que ce soit clair. L'exemple que les ulama ont mentionné souvent lorsqu'ils parlent du verset innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum, il dit idha yani wa in ta'ifatan min al mu'minin iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. C'est-à-dire, si deux groupes d'entre les croyants, c'est dans Surat al-Hujurat, si deux groupes d'entre les croyants se combattent, alors faites la réconciliation entre les deux. Et si un des deux groupes transgresse contre l'autre, alors combattez celui des deux qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Et s'il revient à l'ordre d'Allah, alors faites la réconciliation entre eux et soyez justes. Allah certes aime les justes. Les croyants ne sont que des frères. Alors réconciliez-vous et faites la réconciliation entre vos frères. Donc c'est pour dire que dans ce verset, il y a la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé les croyants, il a appelé croyants ceux qui se combattent entre eux, parmi les musulmans. C'est la preuve qu'ils ne sortent pas de l'islam. C'est la preuve qu'ils ne deviennent pas mécréants pour avoir tué ou pour s'être tués les uns les autres. Hein? À moins qu'il l'ait rendu halal, celui qui le rend halal, ceux qui le rendent halal dans le sens que il croit que tuer c'est halal, dans ce cas-là, ça c'est kufr. Mais ce n'est pas l'acte qui est kufr lui-même seulement, c'est la croyance qui fait que c'est kufr. Comme par exemple quelqu'un qui croit que manger du porc c'est halal. Même s'il ne mange jamais de porc de sa vie, il est mécréant parce qu'il a cru que c'est halal. Donc cette croyance-là implique la négation de ce que Allah a révélé. Et c'est ça qui est kufr, tu comprends? Donc si quelqu'un, par exemple, on va dire une femme, elle a jamais porté le hijab, mais elle reconnaît que c'est obligatoire. Hein? Elle est moins pire que celle qui le porte, mais qui dit que c'est pas obligatoire. Tu vois? Parce que de dire que c'est pas obligatoire, c'est une négation de ce que Allah a ordonné. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ces questions-là, c'est très important. Si quelqu'un, par exemple, dit « j'ai jamais tué personne », mais dans son cœur, il croit que tuer, c'est halal. Lui, il est mécréant. Tandis que l'autre qui a tué, mais qui croit que c'est haram, lui, c'est un pécheur. Il n'est pas sorti de l'islam pour ça. Et il y a la preuve de l'homme aussi qui a tué 89 personnes. 99 personnes, pardon. Il a tué 99 personnes, alors il a vu un adorateur, il lui a dit « est-ce que j'ai un pardon ?» J'ai tué 99 personnes. Et l'adorateur lui a dit, non, t'as pas de pardon, c'est grave qu'est-ce que t'as fait. Hein? Tu peux pas être pardonné. Alors, il l'a tué, lui aussi. Il a dit, si j'ai pas de pardon, que j'en ajoute un ou plus, ça changera rien. Si j'ai pas de pardon. Donc, il a tué cet homme-là, il a rajouté un, ça a fait 100. Il a rencontré un savant. Et il lui a dit, j'ai tué 100 personnes, est-ce que j'ai un pardon? Il lui a dit, oui, tu peux avoir un pardon. Parce que lui, c'est un savant, il connaît la religion d'Allah. C'est pas juste, il adore Allah sans connaissance. Non, il a de la science. Donc, il a dit, oui, t'as un pardon. Si tu veux que Allah te pardonne, tu dois aller à tel endroit et te repentir et adorer Allah dans cette terre, où les gens sont pieux, où les gens craignent Allah, va là-bas avec eux et adore Allah avec eux. Alors il est parti dans ce chemin pour aller. Et il est mort en chemin. Et les anges de la miséricorde sont venus et les anges du châtiment sont venus. Et ils se sont disputés savoir lequel allait prendre son âme. Et finalement, c'est les anges de la miséricorde qui ont pris son âme parce qu'ils ont dit qu'il était en route vers la repentance. Hein? Et donc, c'est pour dire que yani, le fait que quelqu'un est tué, ça ne le fait pas sortir de l'islam. Ça veut juste dire que c'est un pécheur. Et puis, il y a beaucoup d'autres exemples de ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَعٌ بِالْمَعْرُوفِ » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il parle de celui qui a commis un meurtre. Et il parle de celui qui a été tué. Et il mentionne que celui qui l'a tué, il a dit celui qui pardonne à son frère. Ça veut dire que même lorsque il a été une victime, hein, et qu'il a été tué par un musulman, Allah a appelé son meurtrier son frère. C'est la preuve qu'il est toujours croyant et toujours, qu'il est toujours musulman, même si sa foi est faible, hein, ou même s'il a une foi moindre. Et c'est pour répondre aussi au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yaqtulu yani, wa la yaqtulu المؤمن وهو ولا يقتل القاتل وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le zani, celui qui fait le zina, il n'est pas croyant au moment où il fait le zina, et le tueur, il n'est pas croyant au moment où il tue, et le voleur, il n'est pas croyant au moment où il vole. Et les ulama ont dit, ça ne veut pas dire qu'il a plus de foi complètement, mais ça veut seulement dire qu'au moment où il commet ce péché-là, sa foi a diminué et elle est moindre, hein, elle a baissé, mais non pas qu'il a complètement quitté la foi ou qu'il est complètement sorti de la foi. Ensuite, le cheikh il dit wa hadhihi aqidatu ahli sunnati fil iman. Donc c'est ça la foi des gens de la sunna au sujet de, c'est ça la foi des gens de la sunna au sujet de la foi. C'est ça la aqida, la croyance de ahli sunna au sujet de la foi. Et les haddadiyya, ce qu'on appelle les haddadiyya, c'est une nouvelle manifestation des takfirines à notre époque. Takfiri, à chaque fois, ils essaient de réapparaître avec une nouvelle image pour qu'on ne les reconnaisse pas. Donc avant, on les reconnaissait à une certaine époque, dans les années 90, ils avaient une certaine image. Ils faisaient le takfir et tout, on les reconnaissait par différentes caractéristiques. Là, ils ont vu que on les a démasqués, on les reconnaît maintenant facilement avec leurs caractéristiques. Ils essaient de réapparaître avec une nouvelle image et avec des nouvelles shubuhat. Mais c'est toujours les mêmes au fond, mais formulés d'une nouvelle façon. Donc là, ils vont jouer avec des expressions des ulama, puis ils deviennent de plus en plus sophistiqués. Mais à la fin, c'est toujours les mêmes shubuhat. Pour essayer de faire le takfir des dirigeants et justifier les révoltes et les rébellions et les coups d'État et les manifestations et les attentats terroristes et tout le reste. Donc on les appelle les haddadiyya. Donc ils disent des gens de la sunna qu'ils sont des murji'a. Ils nous traitent de murji'a, comme je vous disais tout à l'heure. Il dit donc الحدادية التي أنشأت الحرب على أهل السنة بالأكاذيب والافتراءات المرجئة ما يرون هذا يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة وإيمان أفجر وأفسق خلق الله مثل إيمان جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام والعياذ بالله من هذا الإرجاء الخبيث. مرجئة الفقهاء لا يدخلون العمل في الإيمان ولا يرون نقصانه ولا زيادته وهذا مخالفة شنيعة قبيحة جدا للآيات التي تدل على زيادة الإيمان وللأحاديث التي تدل على نقصه بل بعض الآيات التي تدل على نقص الإيمان. Donc le cheikh il explique que les haddadiyya, yani c'est nouveau takfiri. On a parlé un petit peu au dernier cours de leurs caractéristiques, mais il n'y a pas de mal de mentionner certaines nouvelles caractéristiques. C'est des gens qui se prétendent salafis. Et qui sont, une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils sont extrêmement durs. Et parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils dénigrent même les savants salafis. Quand ils trouvent chez un d'entre les savants qu'est-ce qu'ils considèrent eux comme étant une erreur, même si c'est une erreur qui est en réalité une ijtihad, ils vont utiliser ça pour les dénigrer, les rabaisser, les insulter, et leur manquer de respect. Et donc ils n'ont aucun respect, aucune pitié pour les ulama. Et ça, c'est contraire avec la voie de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Parce que les gens de la sunna, ils respectent les ulama, et même si ce sont des ulama qui ont commis des erreurs dans certaines choses, mais ils ont quand même du respect pour eux, et ils les aiment, et ils les respectent. Tandis que eux, non. Et comme par exemple l'imam An-Nawawi, l'imam Ibn Hajar, Al-Asqalani, qui sont des grands ulama, les gens de la sunna, on respecte ces imams, ces ulama. On invoque la miséricorde d'Allah pour eux s'ils ont commis des erreurs. Tandis que eux, non, ils les considèrent comme étant des égarés. Et ils rabaissent même l'imam Abu Hanifa et d'autres également. Et des imams, parmi les imams de notre époque, ils les critiquent, ils les rabaissent, ils les insultent, comme Cheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Al-Albani, Cheikh Rabi Al-Madkhali et d'autres également. Ils leur font la guerre. Ils font la guerre aux salafis. Puis, parmi les affaires qu'ils ont ramenées, c'est l'histoire de Al-Udru Bil-Jahl, l'excuse pour les mécréants, ou pour les gens qui ont commis des actes de shirk. Est-ce qu'ils doivent être excusés ou non? Et on sait que parmi les savants de l'islam, parmi les savants salafis, quand il y a des questions qui sont subtiles ou des questions par rapport à l'islam, que quelqu'un, par exemple, est nouveau dans la religion ou qu'il a grandi dans un endroit éloigné de la ville, il n'a pas eu accès à la science et à cause de ça, il a commis certains actes de shirk ou certaines paroles de kufr ou des choses comme ça ou des actes de kufr, les ulama ne vont pas le déclarer mécréant. Ils vont dire que c'est une personne qui est ignorante et ils vont établir sur lui la preuve et ils vont vérifier que les conditions sont présentes et que les empêchements sont éliminés. Une fois qu'on a su que la personne a compris, qu'il a su les preuves, puis qu'elle s'obstine à persister dans qu'est-ce qu'elle fait, par la suite, ils vont le déclarer mécréant, mais pas avant. Tandis qu'il y a d'autres savants qui considère que du moment que quelqu'un commet un acte de shirk ou de kufr, qui est clair et apparent, et qui fait pas partie de ces catégories-là qu'on a mentionnées, des gens qui viennent du désert ou qui viennent des endroits éloignés ou qui viennent de se convertir. Que c'est des musulmans qui vivent dans les pays musulmans. Mais des fois, la science, elle est peu accessible ou moins accessible. Ben, eux, ils vont dire non, c'est des mouchriquines quand même. Tu vois. Mais, c'est une divergence dans la façon de comprendre. Parce que eux, ces savants-là, vont dire non, la preuve du Coran leur est déjà parvenue de façon générale. Donc, ils n'ont plus d'excuses parce que le shirk, c'est clair. Et le kufr, c'est clair dans le Coran et dans la Sunna. Donc, s'ils ont commis le shirk, ils doivent se repentir et revenir à l'islam. Donc, c'est ça leur argument. Et de toute façon, c'est une différence de point de vue entre les ulama d'Ahle Sunna. Et il n'y a pas de. Ça n'a jamais créé de conflit entre eux. Chacun respecte l'opinion de l'autre. Parce qu'ils savent que parmi les ulama, il y en a qui ont eu cette opinion-là, parmi les grands savants. Il y en a qui ont eu ces opinions-là, comme Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Cheikh Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, et beaucoup d'autres entre les savants, ils ont eu ces positions-là. Et d'autres savants aussi importants et grands ont eu l'autre opinion aussi, et ils se respectent quand même les uns les autres. Mais ces haddadiyas-là sont venus utiliser cette question pour faire de la fitna. Et pour diviser les croyants, et pour accuser ceux qui refusent de dire de quelqu'un qui est mouchrik ou qui est kafir de façon directe, et sans trouver d'excuses pour lui s'il a des excuses, ils disent ah ça c'est des murjia, et après ils vont même faire le takfir parce qu'ils disent ah vous dites pas des mouchrikines qui sont des mouchrikines, donc ça veut dire que vous êtes des mouchrikines vous aussi. Donc ils jouent avec cette question là pour faire de la fitna en fait, mais c'est une fausse question. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de ces shubuhat ou de ces affaires-là, mais c'est quelque chose qui court en ce moment et qui se propage sur Internet. Peut-être que vous n'avez pas été exposé à ça encore, tant mieux, alhamdoulilah. Si vous n'avez pas été exposé à ça, dans ce cas-là, continuez tout droit le chemin et faites comme si vous n'avez rien entendu. Mais si vous avez été exposé à ça et que vous avez vu ces choses-là, donc c'est mieux de, d'être averti et de faire attention. C'est-à-dire c'est ça, c'est que, comme tu dis, quelqu'un peut se dire salafi, mais ça ne veut pas dire que la personne sait réellement qu'est-ce que ça signifie d'être salafi. Être salafi, ça veut dire que tu crois au Coran et à la Sunna et que tu suis le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs. Et les salafs sont les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière par la suite à travers les époques. Donc, si tu crois de la même manière qu'eux, tu es un salafi. Mais pour ça, il faut avoir de la science. Il faut connaître les salafs. Il faut connaître c'était quoi leur croyance, c'était quoi leur position. Et c'est pour cette raison-là qu'on est en train d'étudier des livres comme ce livre-là, par exemple, qui nous mentionne qu'est-ce que les salafs croyaient, c'était quoi leur croyance, avec leurs propres paroles. Et c'était quoi leur exemple, comment ils agissaient, comment ils croyaient, comment ils appliquaient cette croyance-là. Donc, c'est ça qui fait qu'on est salafi réellement, parce qu'on a cru en ça et on l'a connu avec preuve et on l'a suivi. C'est ça qui fait qu'on est salafi. Toutefois, c'est possible que quelqu'un se dise salafi, mais qu'il ignore certains aspects de la salafia, ou qu'il croit en certains éléments et il pense que ça fait partie de la salafia, alors que ça n'en fait pas partie, à cause du fait qu'il a un manque de connaissances ou qu'il a mal compris certains aspects. Et c'est pour ça qu'il faut que le salafi, tout ce qu'il croit, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, doit toujours revenir à des preuves, doit toujours revenir à des références. Et du moment que ce qu'il dit et ce qu'il croit et ce qu'il fait retourne à des preuves et à des références du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs qui sont parmi des références qui sont authentiques, alors, à ce moment-là, Inch'Allah, il est correct. Il est correct, Inch'Allah. Cheikh Al-Fawzan, il a parlé de ça, Hafizahullah. Il a dit, beaucoup de gens, ils disent salafi, ils disent qu'ils sont salafis, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la salafia. Donc, aujourd'hui, ils disent, par exemple, ah oui, moi je suis salafi. Mais ils contredisent qu'est-ce que les salafs croyaient. Donc, dans ce cas-là, ça ne sert à rien. C'est un nom, mais qui est vidé de son sens. Hein? C'est comme des gens aujourd'hui, ils disent « moi je suis musulman ». Tu lui dis « oui tu es musulman mais tu pries à un mort, tu adores une tombe ». Ou bien tu dis que tu es musulman mais tu te prosternes devant ton cheikh. Et tu penses qu'il peut te faire entrer au paradis. Et aller au jour de la résurrection, il va te mettre sur son dos pour te faire entrer au paradis, même si tu fais le shirk. Et allez, ça, est-ce que ça c'est la croyance d'un musulman? Non. Hein? Donc c'est pour ça que c'est pas juste de dire le mot qui fait que tu es ce que tu dis, yani, comme par exemple, je dis, moi je suis musulman, puis tu crois au contraire de ce que l'islam enseigne. C'est pas ça être un musulman. La même chose pour le fait de se dire sunni. Tu dis que tu es sunni, mais tu suis la voie des soufis, hein, ou des khawarij, ou des mu'tazila, ou des autres sectes. Comment tu peux être sunni alors que tu es sur la bid'ah? Ça fait pas de sens. Hein? Tu dis, moi je suis sunnite. Pourquoi tu es sunnite? Parce que je suis pas chiite. T'es pas chiite, mais t'es dans une autre d'autres sectes. Hein? Donc c'est pas ça, être sunnite. Et la même chose pour les salafis. Si quelqu'un se dit salafi, mais il mélange sa aqida avec d'autres choses, et il prétend qu'il suit la salafi, hein? c'est pas vrai. Donc il faut que le nom et le nom qu'il se donne correspondent réellement à ce qu'il prétend. C'est-à-dire, il faut que ça corresponde avec les principes et les règles et les enseignements. Pas juste de dire avec la bouche, tu dis le mot, puis après ça suffit. C'est comme si quelqu'un, n'importe qui, quelqu'un par exemple, je ne suis pas moi. Même les koufars, c'est la même chose. Quelqu'un parmi les koufars, il dit, moi je suis démocrate, ou moi je suis laïque, ou moi je suis... Par exemple, tu vois un laïque, il dit, moi je suis laïque, mais je crois en la charia. Et tu vas dire, mais ça se peut pas, hein? C'est contradictoire, tu dis que t'es laïque, mais tu crois en la charia. Je dis, oui, oui, moi je crois qu'il faut appliquer la charia, puis c'est ça la laïcité. Tu vas dire, mais là, t'as mal compris les affaires. Tu vois? Donc c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit donc, le Haddadiya, il donne des références, des livres de référence à ce sujet. المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح et An-Nuqulat al-Salafiyya fi al-Radd 'ala al-Ta'ifah al-Haddadiyya. Donc ça, c'est des livres qui ont été écrits qui réfutent cette nouvelle tendance des Haddadiyya. Parmi ceux qui prônent cette tendance-là, il y a Falih al-Harbi et dernièrement al-Hajouri, Yahya al-Hajouri. Et il y en a d'autres aussi. En tout cas, après, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, un autre point aussi, avant de passer à autre chose. C'est qu'il y en a des gens qui accusent, à cause du fait que les Haddadiyya sont des extrémistes, et qui critiquent sans preuve, et qui accusent les gens sans preuve. Il y a des gens qui parfois confondent entre les Salafis et les Haddadiyya. Et ils vont mettre sur le dos des Salafis des caractéristiques de Al-Haddadiyya. Ok? Alors que les Salafis sont innocents de ça. Comme par exemple, accuser des gens sans preuve, dire que des gens sont des mubtadi'a, sans ramener aucune référence ou preuve pour prouver ça. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Ça devait être avant le dhuhr, mais le problème avec l'internet, le technicien il était là, puis donc j'ai dit, ah, je vais le faire après. Toi, t'es venu pour travailler en haut. Ok, de toute façon, il y a un cours après l'Asr aussi. Non, Inch'Allah. Non. Donc c'est ça, il y en a qui disent, vous êtes des extrémistes dans la critique, des extrémistes dans le jarh, et vous faites le jarh des gens, vous critiquez tout le monde sans preuve et des choses comme ça. Et ceux qui font ça, c'est les Haddadiyya, ce ne sont pas les Salafis. Et eux, des fois, ils font exprès pour confondre les deux, justement pour accuser injustement les Salafis de ce que font les Haddadiyya. Donc, le Cheikh, il dit: Wa alaykum salam, Abdullah, kif al-hal? Tu peux pas fermer la porte, s'il te plaît. Barakallahu fik. Oui. Donc les Haddadiyya, il dit le cheikh, qu'ils ont déclaré la guerre aux gens de la Sunna avec toutes sortes de mensonges et toutes sortes des choses qui ont été inventées à leur sujet. Et les Murji'a, ils ne croient pas en qu'est-ce que les gens de la Sunna croient. Toutes les choses qu'on a mentionnées là, ça c'est des choses, les exemples des châtiments qui sont préparés pour les gens qui désobéissent parmi les croyants. Tout ça, c'est des choses que les Murji'a, eux, ils affirment pas, ils ne croient pas. Ils considèrent que il n'y a rien qui peut te faire du tort, aucun péché ne peut nuire à ta foi. Les Murji'a, ils disent que du moment que tu as la foi, ben, peu importe le péché que tu fais, ça ne va pas affecter ta foi du tout. Ça ne va pas faire diminuer ta foi du tout. Peu importe. Et ils disent de la même manière que si quelqu'un qui est dans le coffre, il fait du bien, ça va pas ajouter quelque chose de bien à sa mécréance, ça va pas le profiter en quoi que ce soit. Donc ils font une analogie entre ça et le croyant qui fait des péchés. Ils disent si t'es mécréant puis tu fais du bien, ça va rien, ça va pas te sauver, ça va pas te profiter. Donc, si tu es un croyant et que tu fais du mal, et tu fais des péchés, ça ne va pas diminuer ta foi. Et ça, c'est une analogie qui est incorrecte. Parce qu'elle n'est pas basée sur la révélation, elle est basée sur la logique seulement. Et il dit, le cheikh, que pour les Murji'a, la foi de la plus perverse des créatures d'Allah est pareille à celle de Jibril et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wal'iyadu billah. Donc pour eux, le pire des pervers, le pire des criminels, il a la même foi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que les anges. C'est-à-dire que pour eux, déjà, chaque personne, sa foi, elle n'augmente pas et diminue pas en lui-même, elle est toujours stable, toujours complète et parfaite. Même s'il fait des péchés, elle ne diminuera jamais. Sa foi n'est pas affectée par les péchés qu'il fait. Et d'une personne à l'autre, tout le monde a le même niveau de foi, la même foi. Pour eux, la foi, c'est une chose qui est statique, qui est une seule et même chose, qui ne diminue pas, qui n'augmente pas, qui est la même chose pour tout le monde. Si, soit tu l'as ou tu ne l'as pas. Si tu l'as, ça y est. Tu ne peux pas la perdre, elle ne peut pas diminuer. Mais si tu ne l'as pas, eh bien, il faut que tu l'ailles. Mais les Khawarij, c'est le contraire. Les Khawarij disent, si tu manques un des aspects de la foi, tu la perds au complet. Si tu fais un péché, tu deviens mécréant. Parce que tu n'as plus la foi complète. Donc du moment que tu n'as plus la foi complète, tu l'as perdue au complet. C'est ça que les Khawarij disent. C'est l'autre extrême. Ok? Donc, le cheikh, il dit, c'est ça l'irja. Ils disent que tout le monde a la même foi. Et il n'inclut pas les actions dans la foi. Et il ne considère pas que la foi augmente et diminue. Et ça, c'est une contradiction très laide. Hein, et très mauvaise par rapport au verset qui indique que la foi elle augmente et au hadith qui indique que la foi diminue. Même il y a des versets qui indiquent que la foi diminue aussi. Donc le cheikh il dit Allah Ta'ala qassama al-mu'minina alladhina amanu ila aqsam thalatha. Donc là je pense que le cheikh il rentre dans un autre point. Nous on va arrêter ici Inch'Allah, puis on continuera ce point-là plus en détail au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.